Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça a été mieux, mais ça va. Ça va dans le sens que j'ai été bien enrhumé, j'avais une voix très Barry White il y a 2-3 jours. Et puis là, j'ai retrouvé ma voix qui excite les filles et qui leur fait plaisir lorsque vous m'entendez. Eh bien, c'est ma voix normale. J'espère que tout se passera bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h, un petit peu passé, parce qu'il me fait dire qu'on pourra prolonger vu qu'Eric ne sera pas là ce soir. C'est la saga des Fab Four numéro 511 aujourd'hui. Et l'album de la semaine, c'est encore un Paul McCartney. Dommage si vous n'aimez pas Paul McCartney d'abord. Si vous n'aimez pas Paul McCartney, vous n'êtes pas mon ami, puisque j'adore Paul McCartney. Et puis, et c'est lui qui en a fait le plus, qu'est-ce que vous voulez. Alors de temps en temps, j'ai envie de consacrer un peu plus de temps à Paul McCartney. Je trouve qu'il en a bien besoin et surtout qu'il le mérite. Voilà. L'album, c'est Egypt Station, sorti en 2018. On écoutera I Don't Know. On écoutera également Come On To Me, Happy With You, Hand In Hand, Despite Repeated Warnings et For You en fin d'émission. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Mother sur Plastic Ono Band en 1970. La même année, Apple Scruff sur le fantastique album All Things Must Pass de George Harrison. Et enfin, alors là c'est en 2007 parce que c'est sur un best-of, mais Ringo Starr a chanté Act Naturally avec Buck Owens dans une version encore plus cow-boy qu'il l'avait déjà faite. Et c'est très très sympa, vous entendrez ça tout à l'heure. Pour les Beatles, ce sera Good Day Sunshine. Voilà, je vous propose de nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et on va commencer l'émission dans une poignée de secondes. Bonne émission, c'est le mercredi, c'est La Saga des Fab Four. This after going through a difficult period, like people have, nothing sort of madly serious or anything, but just one of those days when it's like, oh my God, what am I doing wrong here, you know? And sometimes that's a good way to write a song, because you're coming from your soul. And we often used to say that writing a song was like talking to a psychiatrist, a therapist or something, because you're saying it, but you're saying it in a song and rather in a room to a specialist. Yeah, so it was me just thinking this problem out and putting it into a song. Life's not a pain, but that was right. McCartney en 2018, toujours sur la brèche, toujours bon, toujours... Il fait des bons trucs, hein, quand même. Hein. Vivement qu'il fasse un nouvel album. Déjà, mais oui. Ah, ça sonne. Je vais ouvrir. Je sais, je vous fais le coup à chaque fois. Hein. Les sonneries sont pas comme ça à la radio, je vous promets. John Lennon, Mother, 1970. De pommes, aussi connues comme étant les filles qui attendaient devant les bâtiments d'Apple dans l'espoir de voir les Beatles. Et donc là, George Harrison leur rend hommage en disant « Mes pelures de pommes à moi, eh ben vous êtes combien je vous aime ». Apple Scruffs, très belle chanson, sortie sur l'album All Things Must Pass en 1970. Voici Ringo Starr et Buck Owens dans les années 80 ou 90 je crois, hein, pour ce titre. Si vous trouvez le clip, il est très très sympa, c'est vraiment très Far West. Voici Act Naturally sur RIG. About a man that's sad and lonely, and all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part. The biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. Act

90.7, la radio des Beatles. 1967. L'album Magic and Mystery Tour et cette chanson Hello Goodbye, c'est peut-être qu'un simple jeu de vocabulaire mis en musique, mais dans l'ambiance mystique de 1967, le public attendait de Paul une explication plus profonde. Dans une interview pour le mensuel Disque, il eut l'amabilité de fournir une explication. La réponse est que tout est simple. C'est une chanson qui parle de tout et de rien. Si tu as le noir, tu dois avoir le blanc. C'est ce qui est extraordinaire dans la vie. Hello Goodbye, sorti en 45 tours au mois de novembre 1967, il grimpa aussitôt au sommet des charts. Le chœur des Aloha de la fin fut repris dans le film Magical Mystery Tour. Très simple, une chanson tout en contraste, mais c'est d'ailleurs l'une des particularités de McCartney. Il sait mettre en musique des chansons qui restent dans la tête tout de suite. So this is Christmas. Jamais en retard, John Lennon. Voici Happy Christmas sur RIG, il y a quelques années déjà. Et Happy Christmas, c'est le moment aussi de faire un appel aux dons. Je sais que certains d'entre vous ont déjà donné et on vous remercie beaucoup à la radio. Je ne sais pas où en est la collecte parce que je ne viens à la radio que le mercredi. Je n'ai pas le temps de venir autrement. Mais si vous voulez donner quelque chose parce que la radio est en difficulté, ça va être expliqué dans quelques secondes. Merci d'avance, quel que soit le montant, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Tout compte et tout peut nous aider. Merci. Écoutez. Votre radio locale RIG a le don d'émettre depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, pour continuer ses émissions, RIG a besoin de vos dons. Suite à une panne technique, les antennes doivent rapidement être remplacées. RIG est une radio associative non commerciale. Un appel aux dons est lancé pour nous aider à financer cette opération indispensable pour continuer à diffuser. Si vous souhaitez participer et aider RIG à exister, merci de nous contacter par mail. Direction @rigfm.fr. Direction @rigfm.fr. N'oubliez pas, donc, c'est pour que la radio continue à exister, c'est pour que vous puissiez continuer à entendre la saga des Fab Four sur RIG. Et puis, je suppose, évidemment, que dès que nous aurons atteint la somme qu'il nous faut pour pouvoir repayer les antennes qu'on a dû avancer, eh bien, cet appel au don cessera et on vous remerciera en vous faisant des tas de bisous. C'est certain. En tout cas, merci d'avance. C'est là. All my youth, the time I always knew the truth. I don't wanna do it, I don't wanna say goodbye. Go back in the yard and play. If I could only have another day. I don't wanna do it, I don't wanna make you cry. Beside the track upon the hill and try to concentrate on all the places I don't want to be. You know, I told you that I couldn't wait. Come back into my arms again. This love of ours, you know, it has no end. I don't want to do it, I don't want to say goodbye. Do it. I don't wanna say goodbye. Sit beside the track upon the hill and try to concentrate on all the places I don't wanna go. You know, it showed you that I couldn't wait. Come back into my arms again. Silver laws, you know it has no end. I don't wanna do it, I don't wanna say goodbye. I don't wanna do it, I don't wanna say goodbye. Existe une autre version en 1984 ou 1985 sur la bande originale du film Porky's Revenge. Oui, un film d'adolescent que j'ai vu à l'époque, puisque je trouvais ça très bien à l'époque. Et ça, c'est la version démo que vous retrouvez sur la ressortie du coffret All Things Must Pass, que j'ai donc en version 2021, en version 2000, en version je ne sais plus quand. Je dois avoir 4 ou 5 fois le coffret, mais c'est pas grave, c'est bien. On revient à l'album de la semaine, si vous le voulez bien, dans la saga des Fab Four, la saga des Fab Four numéro 511. Déjà, c'est quand même assez dingue, avec un album consacré à Paul McCartney. L'album s'appelle Egypt Station. Laissons Paul McCartney expliquer à propos de cette chanson Happy With You sur RIG. Yeah, I was on holiday and I was just noodling around on my guitar and I was thinking about the days when I had a lot of free time and used to just sort of lie around basically doing nothing all day and getting a bit stoned and just doing nothing really, busy doing nothing. And so I'd got this little riff on the guitar and the words came to me. You know, I used to lie around all day. I used to get stoned. I used to like to get wasted. But these days I don't. So it's a song about growing up. You know, there's a period in your life or in some people's lives when they're not being as productive or not being as organized or disciplined as they may later turn out to be. So this was basically it. J'adore cet album qui s'appelle tout simplement Egypt Station. On revient en 1973 pour l'album Mind Games de John Lennon. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette chanson, mais néanmoins je vais vous dire que sur I Know, avec un picking à la guitare qui rappelle les Beatles, I Know est une des meilleures ballades de cet album, même si pour les paroles, John enfonce le clou avec un thème qui commence à devenir familier. Une fois de plus, il jure son amour à Yoko tout en battant sa coulpe parce qu'il est indigne d'elle. Mais il semble que cela n'ait pas suffi. Avant même que l'album n'atteigne les bacs des disquaires, John avait déjà quitté le domicile conjugal, apparemment à la demande de Yoko. Et oui, parce qu'à ce moment-là, c'était le fameux Lost Weekend, qui a duré plus d'un an, mais Lost Weekend avec May Pang, je crois que c'était une secrétaire de Yoko et de John Lennon, qui lui a mis dans les bras, et était plutôt pas mal, May Pang. Enfin bon, c'est une autre histoire. I am only revenons vers l'année 1967. Pendant cette année, les Beatles enregistrent un album qui s'appelle Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Il reste des mois et des mois en studio, tellement de mois et de mois que la presse de l'époque dit les Beatles, c'est certainement fini puisqu'on ne les entend plus, alors qu'ils nous sortaient deux disques par an, ils nous sortaient des tas de 45 tours tout le temps. Là, ils ne font plus rien, ça va, ils vont certainement se quitter, c'est fini les Beatles. En fait, non. Débarrassés des tournées depuis août 1966, les Beatles se mettent à fond dans la musique en se disant, on n'a même pas besoin de se dire, est-ce qu'on peut reproduire ça sur scène? On s'en fout, on fait de l'art avec ce titre, Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, suivi de With a Little Help from My Friends sur RIG. Imaginez que ça a été enregistré, je crois, sur un 4 pistes. Incroyable, incroyable. les amis, vous êtes vraiment très très calés sur des endroits où je ne le suis pas moi, puisque j'ai dit tout à l'heure, il me semblait que ça avait été enregistré sur un 4 pistes. Eh bien non, Philippe me marque, Peppers, c'est sur un 8 pistes, mais ça reste néanmoins extraordinaire au vu du résultat. Il me marque ça sur Facebook. Je croyais, moi, que le 8 pistes avait commencé à partir de l'album blanc. Eh bien non, donc c'est à partir de Sgt. Pepper. Mais il a raison, arriver à faire ça, bravo George Martin, bravo les Beatles, bravo tout le monde, bravo les ingénieurs, tous ceux qui ont bossé là-dessus, parce que quelle qualité, c'est incroyable. Nous sommes en 1975. George Harrison ne peut pas s'empêcher de penser à toi. Can't stop thinking about you. No good living without you. I can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you.

Comme quoi, lorsqu'en 1967, les Beatles se disent « on peut pas reproduire ça sur scène et on s'en fout », eh bien, les analogues, c'était sur un album qui est sorti en 2017. Bon, ils l'ont certainement fait avant, on pouvait le faire depuis bien avant ça. Maintenant, on peut le faire sur scène, et c'est drôlement bien. La suite de cette saga des Fab Four, c'est la première fois que je le passe. Mais j'avais envie, pour une fois, de vous le proposer. Et il s'agit quelqu'un qui est proche des Beatles. George Martin, en 1964, a sorti un album qui s'appelle Off the Beatles Track. C'est une autre manière d'écouter les Beatles. Voici Don't Bother Me. Je crois que c'est un instrumental, il me semble.

staying doors. When summer's gone, we're gonna fly away and find the sun when winter comes. And find the sun when winter comes. Extrait du nouvel album de Paul McCartney, l'album McCartney 3, sorti en 2020. Et quelle surprise quand on a entendu cette chanson, parce que c'est vrai que la voix de Paul McCartney est moins belle qu'elle l'était avant 2010. Et on se dit, mais comment a-t-il fait? C'est simple. La chanson date de 1992, elle n'était jamais sortie. C'est la seule de l'album qui a cette voix-là. Mais quelle belle chanson, Winter Comes, sur R.I.G. Allez, on revient 2 ans en arrière, en 2018, avec la chanson de l'album Egypt Station, qui est l'album de la semaine, et expliqué par Paul McCartney, voici Despite Repeated Warnings sur R.I.G. I was in Japan and I was reading a newspaper, I think it was like the Tokyo Times, Japan Times or something, and there was something about climate change, and it's typical, you know, the way people are kind of not doing anything about it, it's all going to be fine, don't worry, oh yeah, sure, there's icebergs melting, but it doesn't matter, it's not melting in London. So don't worry about it, you know. And the phrase was in this article, it started off, despite repeated warnings, they're not listening, you know, was the idea. I liked that phrase, despite repeated warnings, I thought, oh yeah, that sums up a lot of people's feelings. And then thought, well, what I'll do is I'll do a kind of song where I use symbolism. And so the person that will be symbolic of certain politicians and people who argue that climate change is a hoax, and we know a few. So I'll do it about that, and I'll get somebody to symbolize one of those people. So I thought, okay, it's a sea captain, and he's steering a boat, and he's going to go towards the icebergs, but he's been warned. Well, he's going because he thinks he's right, and he thinks they're all making too much of it, and you know, the usual arguments, you know. So that's what it's about. It's a sort of story like the Titanic. If they'd been warned, hey, you're going to sink from icebergs, and if the captain said, doesn't matter, we'll be fine. So it's that, using that kind of idea. So there's a sort of mad, daft captain, and then there's all the people on the boat who know he's got it wrong. So it's very symbolic for what's going on in some areas of politics, in my mind. So it's one of those songs like Band on the Run or Live and Let Die. It's kind of episodic. And it's kind of an epic production. But that is it. And it is hopefully trying to remind people that climate change is not a hoax and that we should avoid having a mad captain steering us towards the icebergs. Despite repeated warnings of dangers up ahead, the captain won't be listening to what's been said. He feels that there's a good chance that we have been misled. And so the captain's planning shout the loudest. never seem to face him. But a sailor's warning signal should concern us all. Que Paul McCartney a adressé un message au monde en disant « Attention, malgré les appels, les mises en garde répétées, on va droit vers l'iceberg », eh bien, nous, à notre toute petite échelle, la radio, on vous envoie aussi un message important pour nous aider.

once will silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. Back in school again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind, writing 50 times, I must not be so, oh, oh, oh. But when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. C-31 said we caught a dirty one. Maxwell stands alone, painting testimonial pictures. Oh, oh, oh, oh. Rose and Valerie screaming from the gallery say he must go free. The judge does not agree and he tells them so. Oh, oh, oh. But as the words are leaving his lips, a noise comes from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon his head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that he was dead. Vous aimez Ringo Starr? En voici deux. You're 16, you're beautiful and you're mine, qui ne passerait plus maintenant. Tu as 16 ans, tu es belle et tu es à moi. Lui, il en a 80, 81 même. Donc il n'a plus le droit de chanter ça, malheureusement, alors que c'est une belle chanson. Et No No Song, dans laquelle il dit non, je peux plus fumer parce que ça me fait tourner la tête et puis après le lendemain je suis naze. Non, je peux plus boire parce que ça me fout sur le sol, quoi. Ça me fait tomber et puis après le lendemain je suis naze, etc., etc. C'est une chanson plaisante qui avait été reprise par Joe Dassin, l'air de rien. Voici les deux chansons, Ringo Starr sur RIG. Beautiful and you're mine.

En général, quand cet extrait de l'album blanc, c'est toujours deux, sinon rien. Maintenant, ça va être trois, parce qu'il y a quelques semaines, peut-être la semaine dernière, je ne sais plus, je vous ai passé Revolution One, extrait de l'album blanc, la version lente. Et je vous avais dit qu'ils avaient enregistré une version plus rapide pour le 45 tours. Eh bien, la voici, la version plus rapide, Revolution, les Beatles. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be all right? All right. All right. Oh. Well, you know, we all want to change your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be all right? All right. All right. En principe, il est temps à 22h03 de rendre l'antenne à Eric, mais Eric n'est pas là. Alors si on faisait un tout petit plus, une dernière chanson, celle de Ringo Starr. Golden blonde has come in pairs. They're very unaware. What they know is what they've seen. Disappoint.

sais, vous aimeriez que ça dure encore, mais il y en a qui bossent demain. Peut-être que moi, je ne bosse pas, mais je vais vous laisser aller au lit tranquillement. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pas Eric, hein, vous l'avez bien compris, il reviendra la semaine prochaine, il me semble. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à toutes et à tous. Et je voudrais également dédier cette émission à Alison en espérant qu'elle reprenne des forces le plus vite possible. Gros bisous de la part de toute l'équipe de la saga Le Fab Four et des auditeurs qui et auditrices qui, j'en suis sûr, se joignent à moi. Bisous, à très bientôt. Ciao.